Alors bonjour, bienvenue dans le salon d'écoute du Festival Archipel. Donc comme tous les midis pratiquement, hein, nous avons un partage d'écoute, c'est-à-dire un moment de partage avec un ou une des artistes invités du festival. Aujourd'hui, nous accueillons Clara Lévy, qui est compositrice, violoniste et aussi curatrice. C'est-à-dire qu'elle organise aussi des événements. Je le pointe parce que les personnes en général qui cumulent ces actions, c'est que c'est des personnes passionnées de musique. Et je me dis que ça tombe bien qu'on l'ait invitée pour ce partage d'écoute, parce qu'elle va, elle a comment dire, une très large domaine d'intérêt dans plein de courants, époques, comme sa musique d'ailleurs. Et donc, on la retrouve ce soir à 21h pour un solo, qui est en quelque sorte une partition de Pauline Oliveros, qui est une partition finalement de consignes, et avec qu'elle adapte, qu'elle applique sur des chants au sens médiéval, de Hildegard von Bingen. Et on a choisi d'ailleurs de présenter ce concert un peu en regard de celui qui précédera, qui est à 19h, le concert des pièces de Jörg Frey, mises elles-mêmes en regard avec des pièces de Hildegard von Bingen et Guillaume de Machaut. Donc on est dans les échanges contemporains et médiévaux. Voilà, nous sommes dans le salon d'écoute de la MEG avec Antoine Ciron aux manettes. Et bonne écoute. Je passe la parole à Clara pour Bonjour à toutes introduire. et à tous. Alors, n'hésitez pas à me dire si je parle pas assez fort parce que je. Voilà, oratrice, ce n'est pas mon métier, mais je suis très contente d'être là et je suis ravie que Marie m'ait proposé de faire ce partage d'écoute parce que ça me permet aussi un peu de présenter mon travail que je jouerai ce soir. Voilà, en général, sur scène, j'aime pas trop parler. Je préfère utiliser le langage musical, mais au moins là, j'ai ce temps avec vous pour un peu partager mes influences. Voilà. Donc c'est une écoute centrée autour de ce que j'appelle naïvement musique hors du temps. Donc c'est des musiques d'époques différentes. Et pour moi, ce qu'elles ont en commun, c'est que elles ont une dramaturgie musicale qui n'est pas linéaire. Donc c'est-à-dire que y a pas, la musique ne va pas forcément vers une résolution. Donc on est dans d'autres espaces-temps par rapport à la musique classique occidentale, que j'aime beaucoup du reste. Voilà. Alors, à travers les différents extraits, je voulais présenter différentes manières de sortir de cette linéarité. Alors, des fois, c'est parce que c'est des musiques extrêmement lentes ou des thèmes décomposés. Donc, on va aller au microscope et on se rend compte qu'il y a une activité extraordinaire sous le microscope. Un travail sur le timbre, donc les hauteurs de notes et le timbre deviennent des éléments temporels et dramaturgiques et non plus mélodiques. Avec la répétition, bien sûr. Et des phénomènes psychoacoustiques. Voilà. Donc mon projet s'inspire d'Hildegard von Bingen et Pauline Oliveros. Et justement, pour moi, le point commun entre ces deux compositrices, c'est qu'elles utilisaient la musique comme moyen de méditation. Et la méditation, qui selon moi est une manière de créer un espace hors du temps. Voilà. Donc, on va commencer avec les deux premiers extraits. Donc, le premier extrait, c'est Hildegard von Bingen, un Caritas qui a été arrangé par le compositeur Hugh Colin Rice et chanté par l'ensemble Médiva. Et ensuite, le deuxième extrait, on écoutera Sarah Davachi, Hall of Mirrors, pour cloche. Voilà, bonne écoute. Oh. Avant de passer à la suite, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ces deux pièces ensemble. Ce que je trouvais intéressant, c'est que avec des moyens différents, elle crée un autre espace. C'est-à-dire que pour la première pièce, donc, qui est une monodie d'Hildegard von Bingen, est arrangée de manière à ce que les deux voix créent un effet de réverbération ou de délai sans électronique. Et du coup, même si elles ont enregistré ça dans un studio d'enregistrement ou peut-être même dans une église, mais quand même assez proche, on a cette image d'éloignement et d'espace entre les deux voix que je trouve assez belle. Et la deuxième, c'est aussi dans le travail d'enregistrement qui a un peu cette qualité de field recording. Donc on s'imagine qu'on entend des cloches d'église. Donc est-ce qu'on est à l'intérieur, est-ce qu'on est à l'extérieur? Alors qu'en fait, c'est des cloches d'orchestre. Plus une piste de field recording qui a été rajoutée. Voilà. Donc je vais annoncer les deux prochaines pièces. D'une part, il y a Glissade de James Tenney, donc qui est pour alto, violoncelle, contrebasse et tape delay. Et ensuite, un extrait de Polyphony Sard, un Jésus, chanté par la Confraternita delle Voci. J'ai mis ces deux pièces ensemble parce que elles abordent des notions de psychoacoustique. Alors dans Glissade de James Tenney, on retrouve ce qu'on appelle l'effet Sheppard. Donc c'est cette impression de glissade infinie qui est obtenue en fait par des décalages entre les musiciens et la bande. Pardon. Et ensuite, dans la polyphonie sarde, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une musique religieuse de tradition orale, donc ce qui est un peu surprenant par rapport à l'histoire de la musique occidentale. Mais c'est surtout cet effet de psychoacoustique qu'on appelle la quintina. Donc on entend ces quatre voix d'hommes qui chantent, mais en fait, la superposition des timbres fait émerger les harmoniques d'une cinquième voix qui n'existe pas. Voilà. Bonne écoute. Hey! Alors, je vais annoncer les deux prochains extraits. Alors, d'abord, on va écouter L'Anglard de Saint-Donat, un extrait, la première partie d'Incise, compositeur et musicien protéiforme genevois. Voilà, en fait, c'est une mazurka du centre de la France qui l'a un peu défragmentée. Et tout à l'heure, je parlais d'écoute au microscope, et c'est, je pensais en particulier à cette pièce, c'est-à-dire que quand on passe quelque chose au microscope, d'abord on voit une matière inerte, et puis en fait plus on se rapproche et plus on zoome, plus on se rend compte qu'il y a une activité formidable. Voilà. Et l'extrait d'après est une pièce qui s'appelle Repetition of the Same Dream de Clara De Assis et Mara Winter pour flûte et petits objets. Et en fait, c'est une improvisation de Mara Winter, donc qui est flûtiste, et la compositrice Clara De Assis est ensuite allée rajouter des percussions et des objets métalliques frottés. Voilà, donc elle a composé quelque chose autour d'une improvisation. Donc on est dans une double temporalité, d'abord le moment de l'improvisation, puis le moment de la recomposition. La prochaine pièce, alors je crois que malheureusement je ne vais pas pouvoir la passer en entier parce qu'elle est très longue et qu'il reste assez peu de temps. C'est un extrait des Cantigas de Santa Maria. Alors les Cantigas de Santa Maria, en fait c'est l'un des plus grands recueils de monodies médiévales qui nous est parvenu. Donc, qui datent du XIIIe siècle et ils ont été compilés par Alphonse X, le Sage, qui était roi de Castille à l'époque. Voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des chants dédiés à la Vierge Marie, mais en fait, ils sont assez osés. Enfin, on est vraiment dans le registre de l'amour courtois. Et aussi, en fait, alors on attribue toutes ces œuvres à Alphonse X, le Sage, mais en fait, c'est plutôt une sorte d'almanach musical et poétique de l'époque, dans le sens où c'est des histoires et des musiques qui viennent de toute l'Europe. Et parfois même du Maroc. En l'occurrence, celle-là ressemble à une mélodie traditionnelle kabyle. Voilà, c'est une version de Jordi Savall avec la Capella Real de Catalunya et l'ensemble Hespérion 21, qui est particulièrement lente. Donc il y a des versions, celle-ci elle dure 12 minutes, il y a des versions qui en durent la moitié. Et en fait, alors c'est un système de couplet-refrain. Alors le couplet et les refrains sont très très proches musicalement et modalement. Et la décision artistique de Savall, c'est de créer une amplification à travers l'orchestration. Que raconte ce chant? Le corps et il est soudainement guéri. Et il attribue ça à la Vierge. Alors moi j'ai essayé pour ma jambe, ça n'a pas encore marché, mais je vous tiendrai au courant. Voilà, on approche de la fin et je vais présenter la dernière pièce qui est une méditation de Pauline Oliveros qui s'appelle The Tuning Meditation. Alors, elle est présentée en anglais. Je vous invite à participer si vous avez envie. Mais je vais d'abord la traduire en français. Donc commencez en prenant une inspiration profonde et en expirant jusqu'au bout en écoutant l'air qui sort de votre bouche. Ensuite, vous allez ici essayer d'imaginer une hauteur de notes dans votre tête et au prochain cycle de respiration et donc à la prochaine expiration sur la voyelle de votre choix. Je vous invite à chanter ce ton que vous entendez dans votre tête avant. La durée de l'expiration doit être confortable, il ne s'agit pas de chanter pendant très très longtemps. Et petit à petit, il va y avoir un son de groupe qui va se créer. Et vous pouvez choisir une voix qui est assez loin de vous et essayer de vous connecter à elle en chantant la même note. Et vous continuez comme ça, à alterner en chantant un son que vous entendez dans votre tête, un son d'une personne du public que vous choisissez. Voilà. Sur l'enregistrement, c'est guidé par Pauline Oliveros elle-même. Et on entend aussi d'autres personnes chanter. Tuning meditation. For those of you that want to do it, I'll give you the instructions. You're to sing long tones only, one per breath. The first tone is a contribution of your own, and then the second is tuning to someone else's tone. And then the meditation is alternating between those two options. As your voices warm up, it's interesting to try to tune to people who are distant from you in the room or elsewhere. So, to repeat, sing a long tone, which is your own contribution, and then tune to someone else. Alternate, tuning to as many different people as you can. And while you're at it, I'm going to see if I can disappear. Voilà, c'est fini. Merci pour ce moment d'écoute et de partage, et merci pour votre attention. Merci. Et je vous souhaite de beaux concerts. Merci. Merci Clara. Donc, je vous invite vraiment à nous accompagner toute cette journée, soirée. Si vous avez apprécié ces écoutes, vraiment avec le concert de 19h autour de la pièce de Jörg Frey, I Listen to the Wind Again. Ça dit déjà beaucoup pour avoir envie de venir. qui donc est un programme qui mêle pièces anciennes et écriture contemporaine. Et bien sûr, à 21h, le solo de Clara Lévy au violon, ici même devant la porte, dans l'espace résonnant du foyer. Et dans un autre registre, mais à 22h30, ici même, à nouveau, le salon d'écoute avec Anouk Janton, violoniste également, et Lionel Marchetti pour un concert qui s'empare vraiment de l'acousmonium et aussi d'une, on va dire, d'une présence, une belle présence, comme ce qu'on vient d'écouter. Bonne suite!